إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours d'hier le deuxième chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé un certain nombre de textes nous démontrant les mérites du tawhid, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer que lui et de délaisser toute forme de polythéisme. Dans le troisième chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a exposé un des plus grands mérites du tawhid. Il a intitulé ce chapitre « Celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment ». On voit donc que ce mérite est un mérite immense que souhaite atteindre tout musulman. Toutefois, le cheikh nous dit que ce mérite est réservé à qui? À celui qui concrétise le tawhid. La question qui se pose est donc, comment faire partie de ceux qui ont concrétisé le tawhid? La réponse est que celui qui concrétise le tawhid, c'est celui dont le tawhid est épuré de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, de toute innovation et de toute persistance dans les péchés. Ceci est la manière d'atteindre ce noble but qui est la concrétisation du tawhid. Que tu délaisses le polythéisme sous toutes ses formes. Que tu délaisses également les innovations qui viennent entacher la foi, entacher la religion de la personne, entacher son tawhid. Et également que tu délaisses l'ensemble des péchés et des mauvaises actions. Et il n'y a pas de doute que ceci est un rang éminent. Un rang qui nécessite un grand niveau de foi et de piété. Et les gens qui ont concrétisé le tawhid, ils étaient nombreux dans les premières générations de cette communauté. Puis, ils ont diminué et ils sont peu nombreux dans les dernières générations. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Et bien qu'ils soient peu nombreux, ce sont eux qui ont le rang le plus éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous citer deux versets du livre d'Allah ainsi qu'un long hadith pour nous prouver ce mérite tout d'abord, pour nous prouver que celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment, mais également pour nous donner des indications sur les causes à accomplir afin de faire partie de ceux qui concrétisent le tawhid. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Il a donc commencé par citer un verset de Surat al-Nahl, qui est le verset 120, au sujet de Ibrahim alayhi salam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Ibrahim kana umma qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. » Ibrahim était un guide. Il était humble et obéissant à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait donc l'éloge de son serviteur et messager, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui est l'imam des monothéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un guide, c'est-à-dire un modèle, un exemple pour les monothéistes. Et ce en raison de son désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit donc dans ce verset par quatre caractéristiques, qui sont quatre caractéristiques importantes à réunir afin de faire partie de ceux qui, comme Ibrahim alayhi salam, ont concrétisé le tawhid. La première caractéristique par laquelle il nous décrit Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il était un guide, c'est-à-dire un guide dans le bien, un modèle exemplaire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans le délaissement des péchés et des mauvaises actions. La deuxième caractéristique, il nous dit subhanahu wa ta'ala au sujet d'Ibrahim qu'il était qanitan lillah, c'est-à-dire humble et persistant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit qu'il était hanif. Et le hanif, c'est celui qui se détourne du shirk, qui se détourne du polythéisme et qui s'oriente exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel était Ibrahim alayhi salam. Il était complètement détaché, détourné du polythéisme. Et il ne s'orientait que vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que son culte était voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la quatrième caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans ce verset est qu'il n'était point du nombre des polythéismes. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam, il s'est totalement dissocié des polythéistes et les a désavoués de par son cœur, de par sa langue, ainsi que par son corps. Il les a blâmés en raison du fait qu'ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cassé les statues de sa main et il a patienté, alayhi salatu wa salam, sur les préjudices qui lui ont causé en raison de cela. Il s'est donc désavoué du polythéisme et il s'est désavoué aussi des adeptes du polythéisme. Et telle est la concrétisation du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ibrahim, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque son Seigneur lui a dit, soumets-toi, il répondit immédiatement, je me soumets au Seigneur de l'univers. C'est-à-dire en lui vouant exclusivement le culte, en adorant nul autre que lui. Et aujourd'hui, on trouve certaines personnes qui disent, La ilaha illallah, qui s'affilient à l'islam, mais qui font des choses qui s'opposent à cette base fondamentale de l'islam. Ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant des morts, en invoquant des sorciers, en invoquant des djinns, et autres parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment ceux qu'ils associent à Allah de la même manière qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils détestent ceux qui appellent à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser le polythéisme, à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains vont même jusqu'à prétendre que le tawhid, qui est la base fondamentale de notre religion, est une innovation et un égarement, wal'iyadu billah. D'autres méprisent cette science. Ils considèrent que le tawhid est une chose sans aucune importance, et ce en raison de leur ignorance, wallahu al-musta'an. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela. Ne pas négliger cette science qui concerne la base primordiale, fondamentale de notre religion, et qui concerne le premier pilier de l'islam, l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. La ilaha illallah. Et pour concrétiser cela, tu dois t'appliquer à te parer de ces caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes. Le fait d'être un exemple dans le bien, d'être soumis à Allah avec humilité, en persévérant dans son obéissance, te détourner du shirk, te détourner du polythéisme, et t'orienter exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et te dissocier du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 59 de Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui ne donnent pas d'associés à leur Seigneur. Donc, pour bien comprendre en quoi ce verset est une preuve concernant les causes à accomplir afin de concrétiser le tawhid, il faut revenir quelques versets avant celui-ci, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs croyants en mentionnant certaines de leurs caractéristiques. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 57 de cette même sourate, Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Certes ceux qui sont emplis de la crainte de leur Seigneur. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ceux qui croient aux signes de leur Seigneur. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Ceux qui ne donnent pas d'associés à leur Seigneur. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs croyants, a mentionné certaines de leurs caractéristiques, et la caractéristique la plus immense qu'il a mentionnée est le fait qu'il ne donne pas d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci te prouve que le délaissement du polythéisme est la chose la plus importante à réaliser afin de concrétiser le tawhid. Que tu délaisses toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu voues l'ensemble de tes actes à Allah seul, en dehors de tout autre que lui. Et ceci est exigé par ton attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir mentionné ces deux versets, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un long hadith. Un hadith qui comprend énormément de bénéfices. Donc on va lire ce hadith, on va s'arrêter sur certains de ces bénéfices, mais on va essayer de se concentrer sur ce qui est lié à ce livre, et notamment ce chapitre qui concerne la concrétisation du tawhid. Et comme vous allez le voir, ce hadith, il va nous plonger dans une assise, parmi les assises des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. On va voir, à travers celui-ci, comment étaient leurs assises. Quels étaient leurs sujets de conversation? Comment ils se comportaient les uns envers les autres? Et ainsi de suite. Et ceci est une chose très importante. Car malheureusement, aujourd'hui, les assises de beaucoup d'entre nous sont remplies de choses futiles, de choses sans aucune utilité, voire pire encore, par certaines choses interdites et des péchés. Wallahul musta'an. Donc lorsque tu lis ce genre de récit, tu dois prendre exemple sur ces hommes qui font partie de nos modèles, qui font partie des musulmans des premières générations, ceux desquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, lorsqu'il a dit les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. Il a donc fait l'éloge des trois premières générations de musulmans. Et ces hommes dont on va parler dans ce récit que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné font partie de ces générations. Il a donc dit, d'après Hussein ibn Abdurrahman, donc Hussein, il fait partie des tabi'i tabi'in, c'est-à-dire des disciples des compagnons. Il fait donc partie de la troisième génération. Il dit, rahimahullah, alors que j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, lui, c'est un tabi'i, c'est-à-dire un disciple des compagnons. Il a notamment rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Donc Hussein nous dit, alors que j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr, un des imams parmi les imams des pieux prédécesseurs, il dit, qui parmi vous a vu l'étoile filante qui est tombée cette nuit? Hussein dit, je dis moi, c'est-à-dire moi je l'ai vue. Puis je dis, cependant, je n'étais pas en prière, mais je me suis fait piquer. Hussein, rahimahullah ta'ala, il dit cela par peur du polythéisme, par peur de l'ostentation. Il a craint que les gens présents pensent qu'il était debout durant cette nuit en adoration. Donc il a eu peur de laisser penser aux gens qu'il s'était levé pour prier, alors qu'en réalité il était levé car il s'était fait piquer. Tu vois donc à travers cela que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils faisaient de grands efforts pour se préserver du polythéisme, majeur ou mineur. Ils craignaient le fait de se faire louer pour une chose qu'ils n'avaient pas faite. Car ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ce sont les hypocrites qui aiment se faire louer pour des choses qu'ils ne font pas, recevoir des compliments pour des choses qu'ils ne sont pas. Donc ici, Hussein, rahimahullah ta'ala, il précise qu'il n'était pas en prière, afin de se préserver de cela. Et pourquoi il a précisé qu'il n'était pas en prière? On a vu premièrement pour se préserver de l'ostentation, et pour se préserver du fait que l'on pense de lui qu'il ait fait une chose qu'il n'a pas faite. Mais s'il a précisé cela, c'est qu'à leur époque, lorsque quelqu'un restait éveillé la nuit, généralement, c'était pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien la prière, la recherche de la science, la lecture du Coran, ou autre parmi les adorations. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un nous dit qu'il était éveillé durant la nuit, la première chose qui va nous venir en tête, ce n'est pas forcément le fait qu'il était levé pour prier. Car malheureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, nombre de personnes passent leur nuit dans des futilités ou pire encore dans des péchés. Quant aux pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils connaissaient la valeur du temps. Et ils utilisaient ce temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils connaissaient notamment la valeur de la nuit et de la prière de nuit qui fait partie des habitudes, des vertus. Il a donc dit, rahimahullah, cependant je n'étais pas en prière mais je me suis fait piquer. Alors Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, lui a dit, qu'as-tu fait? Hussein répondit, j'ai demandé qu'on me fasse ruqya. Il s'est fait piquer par une bête venimeuse, comme un scorpion. Il a alors demandé qu'on lui fasse ruqya. Et la ruqya consiste à réciter sur une personne malade ou une personne qui s'est fait piquer par une bête venimeuse, des versets du Coran ou des invocations, en posant par exemple sa main sur la partie atteinte ou la partie douloureuse et en soufflant légèrement dessus. Et ceci fait partie des traitements les plus bénéfiques, car, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. Comme il dit dans son noble livre, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et la ruqya, elle est permise sous certaines conditions, et on reviendra sur cela dans le chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a consacré à ce sujet. Il a donc dit, j'ai demandé qu'on me fasse ruqya. Saïd lui dit alors, et qu'est-ce qui t'a poussé à cela? C'est-à-dire, pourquoi as-tu demandé qu'on te fasse ruqya? T'es-tu basé sur une preuve en cela? Et ceci nous montre le désir de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, à baser l'ensemble de leurs œuvres sur des preuves, à ne pas agir avec ignorance. Mais ils basaient leurs œuvres sur les preuves du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? T'es-tu basé sur une preuve? Si oui, quelle est cette preuve? Alors Hussein lui dit, un hadith que nous a rapporté Shaabi. Shaabi, qui fait également partie des imams, des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Alors Saïd lui dit, et que vous a-t-il rapporté? Il lui demande les détails, afin de connaître ce hadith sur lequel il s'est basé. Alors Hussein lui dit, il nous a rapporté de Buraïda ibn al-Husayb qu'il a dit, il n'y a pas de ruqya, sauf contre le mauvais œil ou le venin. Donc Hussein, il s'est basé sur ce hadith pour demander la ruqya. Il n'y a pas de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. Comme lui, il s'est fait piquer, il en a déduit qu'il pouvait demander la ruqya pour cela. Et les gens de science ont donné différentes explications concernant ce hadith. Certains ont dit que cela était au départ. C'est-à-dire qu'au départ, la ruqya n'était permise que contre le mauvais œil ou le venin. Et qu'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permise tant qu'elle remplit les conditions que l'on verra dans un prochain cours, inshallah ta'ala. Et d'autres ont dit, il n'y a pas de ruqya, c'est-à-dire il n'y a pas de ruqya plus profitable. Il n'y a pas de ruqya plus profitable que celle accomplie contre le mauvais œil ou le venin. Ceci sont deux explications qui ont été données par les gens de science concernant ce hadith. Donc après avoir pris connaissance de sa preuve et du hadith sur lequel il s'est basé, Saïd dit à Hussein, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu a certes bien agi. Et ceci fait partie du bon comportement avec la science et les gens de science. Il a demandé la ruqya, et il s'est basé en cela sur un hadith. Donc, à partir du moment où il a basé son acte sur une preuve, sa manière d'agir était correcte, même s'il aurait pu agir d'une meilleure manière, étant donné qu'il s'est basé sur ce qu'il connaissait des preuves du Coran et de la Sunna. C'est pour cela qu'il lui dit, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu a certes bien agi. Si tu agis en fonction de ce que tu connais du Coran et de la Sunna, alors tu as bien agi, même si en réalité il y a quelque chose de meilleur à accomplir. Et c'est ce qu'il va lui indiquer. Il lui dit, toutefois, Ibn Abbas nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit. Il va donc lui indiquer une chose meilleure encore. Et ce, d'après un autre hadith qu'il rapporte lui de Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les communautés m'ont été présentées. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré les communautés lorsqu'elles viendront au jour de la résurrection. Il a donc vu les prophètes alayhi salatu wa sallam et leurs suiveurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, j'ai vu un prophète qui avait avec lui un petit groupe de gens. Et le mot qui est employé en arabe, c'est le mot raht, qui désigne un groupe de 10 personnes ou moins encore. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un prophète arriver avec une dizaine de personnes. Il dit un prophète avec lui un ou deux hommes, c'est-à-dire qu'il n'avait que un ou deux suiveurs. Et un prophète qui n'avait personne avec lui. C'est-à-dire qu'il a été envoyé à un peuple et que personne parmi eux ne l'a suivi. On voit à travers cela qu'il y a certains prophètes qui n'ont pas eu beaucoup de suiveurs. Et ceci nous démontre que les croyants, parmi les communautés, ils sont peu nombreux. Et ce, depuis les premières générations. Et la majorité des gens dans toute l'humanité ont désobéi au messager, alayhimus salat wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet au verset 116 de Sourate Al-An'am: Wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluka 'an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 42 de Surat al-Rum, Qul siru fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl, kana aktharuhum mushrikin. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des polythéistes. La plupart d'entre eux étaient des polythéistes. Et les versets en ce sens sont très nombreux dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, si tu te rappelles de ce que l'on a vu dans le premier cours, on a dit que l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam, ils sont venus avec le même message principal. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Malgré que leur message était le même message, ils n'ont pas tous eu le même nombre de suiveurs. Ils étaient tous sur la vérité. Certains ont été peu suivis, d'autres ont été un peu plus suivis, et certains n'ont pas du tout été suivis, comme ce prophète qui viendra au jour de la résurrection sans aucun suiveur. Ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve que le grand nombre n'est pas un critère pour distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas un argument. Et ceci est un point très important à retenir. Le grand nombre n'est pas un critère pour distinguer le vrai du faux. Et ce n'est pas un argument démontrant que telle ou telle chose est vraie. Le musulman, il doit donc prendre garde à ne pas se laisser tromper par le grand nombre. Car beaucoup de gens, ils se laissent tromper par une chose sous prétexte qu'elle est accomplie par beaucoup de gens. Ils voient par exemple que beaucoup de gens fêtent le Maulid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient que beaucoup de personnes affiliées à l'islam font des célébrations en ce jour, se réunissent, lisent sa biographie, récitent des poèmes et ainsi de suite. Alors quand ils voient le nombre de personnes célébrant cela, ils pensent que ceci est la vérité, ceci est une bonne chose. Or, ce qui est incombe, c'est de regarder les preuves. Est-ce que cette célébration a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre? Est-ce que cette célébration a été ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam célébrait-il son anniversaire? Les compagnons après lui, les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu ta'ala anhum, ont-ils après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam célébré son anniversaire? Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, parmi elles Aïcha, qui vécut longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, célébraient-elles son anniversaire? Et la réponse, bien sûr, est qu'ils n'ont pas célébré le Maulid, ils n'ont pas célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne célébrait cela. Et nul parmi les imams venus après eux n'a célébré cela. Prenons simplement les quatre grands imams de l'islam. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Est-ce que l'un d'entre eux a célébré le Maulid? La réponse est non. Aucun d'entre eux n'a célébré le Maulid. Car ceci est une innovation qui était inexistante durant les premiers siècles de l'islam. Donc certains ignorants, ils vont se laisser tromper par le fait que cette célébration est accomplie par un grand nombre de personnes dans de nombreux pays musulmans. Il va se baser sur cela pour juger de la légitimité de cet acte. Or, comme on a dit, le grand nombre, ce n'est pas un critère te permettant de distinguer entre la vérité et le faux. Mais il nous incombe de revenir pour distinguer de cela aux preuves du Coran et de la Sunna. Et la vérité, ce qui est confirmé dans les textes. Confirmé dans les textes du Coran ou de la Sunna. Même si ceux qui la mettent en pratique sont peu nombreux. Il est obligatoire pour toi de suivre la vérité même si les gens de la vérité sont les moins nombreux parmi les gens. Et ceci est un point très important que le musulman doit garder en tête. Ne pas se laisser tromper par le grand nombre. Aujourd'hui, il y a des gens malheureusement qui, comme on a dit, ils argumentent avec cela pour accomplir certains actes qui ne sont pas légiférés. D'autres, ils vont distinguer entre le bon ou le mauvais prédicateur en regardant par exemple ce nombre de suiveurs. Il va aller sur YouTube et va voir une chaîne avec beaucoup d'abonnés. Alors il va dire, celui-ci a beaucoup d'abonnés, c'est qu'il doit dire des bonnes choses. Ceci n'est pas un critère. D'autres, ils argumentent par le nombre de visites sur leur site internet. Il va te dire le site internet de tel ou tel cheikh, il a été visité 1 million ou je ne sais combien de fois. Il y a eu tant de visiteurs sur ce site, donc c'est que celui-ci est un grand savant, celui-ci est un grand prédicateur ou je ne sais quoi. Ceci ne sont pas des arguments. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Kana aktharuhum mushrikin. Il nous dit au sujet du peuple de Noé, Wama amana ma'ahu illa qalil. Et n'ont cru avec lui que peu de personnes. Donc il faut bien garder en tête que le grand nombre n'est pas un critère pour distinguer le vrai du faux. Et ceci est une règle à retenir. Donc je me suis un peu étalé sur cette parenthèse, car ceci est un point très important qui échappe malheureusement à beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ses prophètes venir avec leurs suiveurs. Un qui était avec un petit groupe de personnes ne dépasse pas les 10, un autre qui était avec un ou deux hommes et un autre qui n'avait personne avec lui. Ensuite il dit, j'ai alors vu une grande foule. J'ai pensé que c'était ma communauté. On me dit alors, c'est Moussa et son peuple. On voit à travers cela le mérite de Moussa alayhi salam, ainsi que de ses suiveurs parmi les enfants d'Israël, qui ont cru en lui, qui ont cru en son message et qui l'ont suivi. Car Moussa alayhi salam, il fait partie des prophètes qui ont eu le plus de suiveurs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai ensuite regardé et j'ai vu une grande foule, un grand groupe de personnes. On me dit alors, voici ta communauté. Et il y a avec eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Donc là, on arrive à la partie du hadith qui nous intéresse concernant ce chapitre. Voici ta communauté, il y a avec eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ce hadith est donc une preuve qu'il y a des gens parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui rentreront au paradis sans être jugés et sans être châtiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit cela, il s'est levé et il est rentré chez lui. Alors les gens débattirent à leur sujet. C'est-à-dire qu'ils débattirent au sujet de ces 70 000 personnes. Ils s'interrogeaient, ils voulaient savoir qui sont-ils? Qui sont ces 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans être jugés, sans être châtiés? Et ceci nous démontre le mérite des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Qui, à l'écoute de cette annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont voulu savoir qui étaient ces personnes, afin de bien comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de leur dire, et ce, dans l'objectif de mettre en pratique les choses qui leur permettraient de faire partie de ces personnes. Car c'est cela l'objectif de la science, l'objectif de connaître des hadiths, l'objectif de connaître les mérites du tawhid, l'objectif de connaître la manière de concrétiser le tawhid. Ce n'est pas simplement d'apprendre ces choses pour les savoir. La finalité, c'est que tu mettes en pratique ces choses que tu apprends. C'est cela qui est attendu de nous. Ce n'est pas simplement la science, mais c'est sa mise en pratique pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et en récolter les fruits dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Donc les gens ont débattu au sujet de ces 70 000 personnes. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont émis cette première hypothèse. Peut-être que ce sont les compagnons, étant donné le rang éminent des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans son noble livre. Donc ils ont un rang éminent. Ils ont donc émis cette hypothèse. D'autres ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés en islam et qui n'ont jamais donné aucun associé à Allah. Ceci aussi est une hypothèse pertinente. Ceux qui sont nés en islam, qui sont nés musulmans, qui ont été élevés sur l'islam, élevés sur le tawhid, et qui n'ont donc jamais donné d'associé à Allah. Et certains ont émis d'autres hypothèses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à eux, ils l'ont donc informé. Donc on voit à travers cela la permission de débattre au sujet de la science et d'émettre certaines hypothèses en se basant sur ce que l'on connaît des preuves du livre d'Allah. Et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas blâmés pour cela. Mais lorsqu'il est venu à eux, ils l'ont informé. Et ceci nous montre que pour connaître la vérité, il est impératif de revenir aux gens de science. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Donc les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils l'ont informé de la discussion qu'ils avaient tenue une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne demandent pas la cautérisation, qui ne croient pas aux augures et placent leur confiance seulement en leur Seigneur. Voilà pourquoi Saïd a rapporté ce hadith à Hussein, rahimahumallahu ta'ala, car on voit dans celui-ci le mérite de ne pas demander la ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc mentionné ici les caractéristiques de ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Quelles sont ces caractéristiques? Ils ne demandent pas la ruqya, c'est-à-dire ils ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya. Ils ne demandent pas la cautérisation. Ils ne croient pas aux augures et placent leur confiance seulement en leur Seigneur. Si tu médites sur ces quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, tu remarques alors qu'elles se rejoignent toutes sur un point essentiel qui est le fait de s'en remettre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la concrétisation du tawhid. Que le cœur du musulman ne soit lié qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lis ton cœur à aucune créature. Tu ne lis ton cœur à aucune cause. Tu ne lis pas ton cœur aux moyens, mais tu lis ton cœur au Seigneur des causes et des moyens, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation de celui qui a concrétisé le tawhid. Il nous dit donc qu'il ne demande pas la ruqya. Et ce car, comme on a dit, ils ne s'en remettent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est donc une preuve qu'il est préférable et plus méritoire de ne pas demander la ruqya, de ne pas demander à ce qu'on te fasse ruqya. Car ceci fait partie de la perfection du tawakkul, la perfection de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certaines personnes disent, et qu'en est-il si on a déjà demandé qu'on nous fasse ruqya? Le sens apparent du hadith est que celui qui a demandé à ce qu'on lui fasse ruqya, alors il ne fait pas partie des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Toutefois, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a mentionné que ce qui est apparent concernant ces 70 000, c'est qu'ils sont ceux qui se sont tenus droit sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont délaissé les interdits d'Allah et ont accompli les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi leurs caractéristiques, il y a le fait de ne pas demander la ruqya. Car ceci est préférable et plus méritoire, comme on a dit, afin de ne lier ton cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si une personne se retrouve dans une situation où elle est dans le besoin de demander qu'on lui fasse ruqya, elle est malade et elle a besoin que quelqu'un récite sur elle le Coran. En raison de sa maladie, elle n'est pas en mesure de le faire, elle n'a pas la force de le faire. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, à condition qu'elle considère cela comme une cause. Et que son cœur soit pleinement lié à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le délaissé est préférable. Et le délaissé est préférable et plus méritoire. On voit donc à travers cela l'erreur que font nombre de personnes qui, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils pensent être atteints par le mauvais œil, ou par la sorcellerie, ou par un djinn ou autre, ils s'empressent de chercher un raqi. Je cherche un raqi. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne me faire rire. Connais-tu quelqu'un qui fait la ruqya? Et ainsi de suite. Et ceci relève, en réalité, d'un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car la ruqya, il t'est possible de te la pratiquer toi-même. Il est venu dans le hadith que la Fatiha, surat al-Fatiha, est une ruqya. Donc te réciter surat al-Fatiha sur toi-même lorsque tu es malade, ceci est une ruqya que tu peux pratiquer tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un imam, d'aller chercher un étudiant, d'aller chercher un raqi ou autre. Mais tu récites sur toi-même surat al-Fatiha et tu places ta confiance en ton Seigneur. Et ceci est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est la meilleure ruqya qui peut être pratiquée. Celle que tu te fais toi-même, bi'inillahi ta'ala. Tu récites surat al-Fatiha, les surat protectrices, avec l'intention de te faire ruqya, de te soigner. Et ceci est meilleur que de demander à une personne étrangère, une tierce personne, de venir te réciter ces surat que tu connais et que tu peux réciter seul. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne demande pas la cautérisation. La cautérisation, donc, qui consiste à poser, par exemple, une plaque de fer chaude sur une blessure. Ceci est un moyen de se soigner. Également, il est préférable de ne pas demander cela, d'après le texte de ce hadith. Et il dit, la troisième caractéristique, qu'ils ne croient pas aux augures. C'est-à-dire, ils n'ont pas de superstition. C'est le fait de croire que certaines choses que l'on voit ou que l'on fait ont des conséquences bonnes ou mauvaises. Par exemple, il y a certaines personnes, wal'iyadu billah, ils sortent la nuit, ils voient un chat noir, ils pensent qu'il va leur arriver un malheur. Et ceci est une croyance qui s'oppose au tawhid, le fait de croire aux augures. Et on va revenir sur cela aussi, inshallah, car le Cheikh, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans un chapitre de ce livre. Quoi qu'il en soit, les choses que tu vois, comme un animal, un oiseau qui vole d'une certaine manière ou autre, ceci n'a pas de conséquences, ni bonnes ni mauvaises, sur ce qui se produit. Mais tout ce qui se produit fait partie du décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour concrétiser le tawhid, tu te dois de renier ces choses-là et de ne pas croire aux augures. Et place leur confiance seulement en leur Seigneur. Place leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils veulent atteindre un bien, ils font les causes pour l'atteindre. Ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils veulent se préserver d'un mal, le dissiper ou le repousser, ils font les causes pour cela, mais ne s'en remettent pas aux causes, mais placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la concrétisation du tawhid. Et c'est pour ce passage-là du hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné ici, dans ce chapitre. Ensuite, Saïd ibn Jubayr continue de rapporter ce que lui a rapporté Ibn Abbas et dit. Alors, Ukasha ibn Mihsan s'est levé et dit: Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me place parmi eux. C'est-à-dire qu'il le place parmi ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Tu en fais partie. Tu es parmi eux. On voit à travers cela la permission de demander à une tierce personne, vivante et présente, d'invoquer en notre faveur. Comme l'a fait Ukasha, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer ici en sa faveur. Et ceci est permis à condition que celui à qui on s'adresse soit vivant et présent. Quant au fait d'adresser une demande à un mort, ou d'adresser une demande à une personne vivante et présente, mais en lui demandant une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, comme lui demander la guérison, lui demander le pardon de ses péchés, ou autre parmi les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, alors ceci n'est pas permis et relève du polythéisme. Et cela aussi, on le verra plus en détail dans le chapitre sur l'invocation, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, on retient ici qu'il est permis de demander à une personne vivante et présente d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Tu fais partie d'eux. Et ce, de par ce qu'il connaissait de Ukasha, radiyallahu ta'ala anhu, en termes de foi, de mérite et de piété. En effet, Ukasha, c'est un noble compagnon qui a participé à la bataille de Badr et à l'ensemble des batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, Ukasha est mort en martyr, radiyallahu ta'ala anhu, durant la bataille contre les gens de l'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre homme s'est levé et a dit: Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me place parmi eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Ukasha t'a devancé en cela. Ce qui apparaît ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éviter que les gens se lèvent les uns après les autres pour lui demander d'invoquer en leur faveur. Et que se lève alors une personne qui ne le méritait pas. C'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cette manière afin de couper court à cela. Et regarde la belle manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employée pour lui répondre. Il lui a répondu de bonne manière. Il ne lui a pas dit non, je n'invoquerai pas pour toi. Mais il lui a dit: Ukasha t'a devancé en cela. Il a donc utilisé une expression afin d'atténuer le caractère déplaisant de sa réponse. Et ceci est une chose louable, de répondre de cette manière et d'essayer, lorsque l'on parle aux gens, de ne pas les blesser, même si on doit leur dire une chose qui peut être déplaisante. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comme je vous l'ai dit, on ne s'est arrêté que sur certains bénéfices de ce hadith. Car en réalité, ce hadith, il comprend énormément de bénéfices. Et je l'ai déjà expliqué lors d'une conférence que vous pourrez retrouver sur le site, intitulée Explication du hadith des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et le point le plus important à retenir ici, c'est que la concrétisation du tawhid, elle ne peut s'atteindre qu'en liant ton cœur pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et en plaçant ta confiance en lui, en détournant ton cœur des causes, mais en liant ton cœur au Seigneur des causes. Quoi qu'il en soit, on reviendra sur tout ce qui est lié au tawakkul lors du chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a réservé à ce sujet dans le livre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le prochain cours le quatrième chapitre concernant la peur du polythéisme. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter